Premier Noël. À Gainesville, Faustine retrouve Julien. Il lui faudra plusieurs jours pour combler le manque de caresses et de baisers, oublier le traumatisme de la séparation. Elle a eu si peur que son bébé l'oublie, qu'il ne la reconnaisse plus. Manifestement, de son côté, il a bien supporté l'épreuve. Laurie s'est avérée une maman de substitution de tout premier ordre. Mais en était-ce une des preuves à un mois? Un bébé reconnaît-il vraiment sa mère? Dans les jours qui suivent, mère et fils ne se quittent plus jusqu'à ce que Faustine soit totalement rassurée. Malheureusement, elle a perdu son lait dans l'intervalle. Cela n'étonne qu'à moitié la visiteuse sociale. Pour elle, c'est la conséquence des multiples chocs émotionnels que Faustine vient de vivre. Séparation, décalage horaire, cruauté et brutalité des administrations. Voilà Julien définitivement sevré, réduit au lait maternisé. Par chance, Laurie a utilisé toute la provision du biberon. Julien a été servi en bon lait maternel. Il a pu renforcer son système immunitaire. Laurie se montre soulagée que la relève arrive enfin. Elle avoue avoir eu peur à certains moments. Mais après analyse, il s'agissait plus d'une crainte irraisonnée. Elle est restée avec le bébé tout du long, se contentant de petites sorties dans les bois alentours quand le temps le permettait. Sa maman la pourvoyait en nourriture saine et Lynn en douceur sucrée. Sans le poids de la responsabilité, Laurie aurait vécu une semaine de vacances. Tout à son obsession de pouvoir à la sécurité de son fils, Faustine ne s'est même pas souciée des cours manqués, voire d'un éventuel examen sauté. Si tel fut le cas, Laurie ne lui en tient manifestement pas rigueur. Anaïs, de son côté, a bien vécu son séjour dans sa famille d'accueil. Elle est néanmoins heureuse de retrouver son petit frère quelques jours. Attendue à Cagnes par sa maman et sa sœur Daphné pour fêter Noël, elle ne tarde pas à faire sa valise et c'est son père qui l'accompagne à l'aéroport de Dulles. Si Maxime méprise la version mercantile et superficielle de Noël, Faustine souhaite partager avec leur fils l'enchantement des Noëls de son enfance. Maxime accepte pour lui faire plaisir, mais refuse par contre d'arracher un sapin dans la forêt voisine. Faustine se contentera d'un fac-similé bon marché. À la boutique Noël toute l'année de Gainesville, elle achète un stock de boules et de guirlandes. Elle fabrique une crèche sobre, figurative, à l'aide de morceaux d'écorce et de chutes de bois. Les jours suivants, la jeune femme s'attelle à la confection de biscuits de Noël. Elle empile les boîtes à l'abri des regards. Ensuite, elle retourne écumer les magasins en quête de cadeaux pour ses hommes et de victuailles pour la fête. Lorsqu'il a appris qu'il serait seul pendant les fêtes, Maxime a invité leur vieil ami Bill Riddle, un batteur génial avec lequel il a longtemps joué. Pauvre Bill, on lui a récemment diagnostiqué le cancer du fumeur. Il n'en mène pas large. Il a accepté avec reconnaissance de passer la veillée de Noël et la journée du 25 décembre avec eux. Faustine a prévu un repas gargantuesque. Maxime a préparé la cheminée et installé le tourne-disque avec une pile de 33 tours. Les trois amis passent une jolie soirée à se sustenter en écoutant les meilleurs musiciens de jazz de l'époque. La distribution des cadeaux obtient un joyeux succès. Bill est content de son pull vert, Maxime de son aftershave, Faustine de son parfum et Julien de son mobile musical en kit. Maxime l'assemble immédiatement et l'installe sur le berceau. Faustine a choisi une berceuse de Brahms. Elle espère que ça aidera bébé à trouver le sommeil. La seule chose qui lui manque, c'est la messe de minuit. Mais Maxime refuse de céder aux bondieuseries. Chacun son truc. Faustine ravale ses convictions. Finalement, elle n'a pas besoin de décorum pour manifester sa foi. Pourtant, elle a la nostalgie des balades d'autrefois dans la neige crissante pour rejoindre l'église illuminée. Elle admet volontiers qu'elle est plus attirée par les chants, les odeurs et le cérémonial que par le message profond. Maxime se fit pardonner en posant sur la table trois places pour Amadeus, le dernier film de Milos Forman. On ira en janvier, après les vacances. La petite famille et son invité se couchent peu après minuit. Le lendemain, on termine les restes, puis c'est repos pour tout le monde. L'appartement de vacances que Maxime a loué grâce aux royalties conséquentes perçues sur les ventes de son dernier livre est situé à 1h30 de Gainesville, à Wintergreen plus exactement, petite station des Blue Ridge Mountains. La chambre spacieuse, pourvue d'un balcon, donne sur la montagne et les pistes de ski. Il y a tout ce qu'il faut dans la pièce pour réchauffer une tasse de thé ou de café. Le complexe loisirs et restauration n'est qu'à 2 pas. Malheureusement, il est impossible d'obtenir les services d'une babysitter. Dès le premier jour, Maxime et Anaïs partent à la découverte des pistes de ski. Faustine, de son côté, arrime Julien dans son sac kangourou et se lance à l'aventure. Pleine d'enthousiasme, elle fonce sans regarder où elle va, si bien qu'au bout d'une heure de marche, elle ne trouve plus son chemin. L'expérience tourne à la galère et elle frôle la crise d'angoisse. Si Maxime et Anaïs se sont inquiétés, ils n'ont pas sauté dans la voiture pour partir à leur recherche. Cet épisode ne les empêche pas de laisser bébé dormir seul pendant qu'ils vont dîner. Après tout, affirme Maxime, il ne risque rien dans son berceau. Peut-être, mais Faustine, anxieuse, ne savoure pas son repas. Son cœur se serre quand enfin ils rejoignent leur chambre, car en approchant du bâtiment, on entend les pleurs de Julien jusque dans la rue. Maxime rit. Quel coffre! Mais apparemment, personne ne s'est plaint. Ça ne doit pas faire si longtemps que ça qu'il est réveillé. Tout de suite, Faustine le change et le nourrit. Il se rendort aussitôt. Faustine n'est pas du tout d'accord avec cette façon d'agir, mais elle n'ose pas s'opposer à son mari, qui a déjà eu 2 enfants et prétend savoir ce qu'il fait. Même s'il a failli perdre Daphné, laissée seule dans la voiture en plein soleil de midi, alors qu'elle n'était qu'un nourrisson. Pauvre Julien qui va subir cet abandon 3 soirs de suite. Faustine souffre en silence. Lundi matin, Maxime et Anaïs sortent skier. Faustine promène Julien dans les environs de la station, sans s'éloigner cette fois. Au dîner, Maxime prévient qu'il ne pourra pas rester toute la semaine. Faustine, paniquée, se fâche. Mais tu le savais avant, non? Pourquoi tu attends toujours la dernière minute? Tu me connais, ma chérie, je ne voulais pas gâcher la fête. Et on va faire comment sans toi? Bah, pareil. J'ai montré à Anaïs comment aller skier toute seule. Elle a vu que c'était pas compliqué. Mais si elle préfère, elle peut rester avec toi et vous vous amuserez ensemble autour de la station ou dans le centre de loisirs. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'occuper, même un bowling. Je vous laisserai assez d'argent, ne t'inquiète pas. Mais je dois aller bosser et préparer mes séminaires européens de janvier. En plus, j'ai 2 concerts avec l'orchestre, jeudi et vendredi soir. Je vous rejoindrai samedi matin et on rentrera à la maison dimanche. Ça vous va? Comme si on avait le choix. Et tu joues où? Au Wharf, avec le authentique jazz de Brooks Tegeler que tu connais bien. Tu le sais, le fan de Gene Krupa. Celui qui joue si bien de la batterie. Tu l'embrasseras pour moi. Et n'oublie pas de les inviter à la maison, sa femme et lui. Sans faute, mon amour. Et ne t'inquiète pas, je serai revenue avant même que tu te rendes compte de mon absence. De fait, les jours suivants se passent plutôt bien. Anaïs n'a pas besoin de se forcer beaucoup pour renoncer à monter sur les skis. Ensemble, les filles profitent de tous les amusements disponibles. Le bowling, les salles de jeu et les salons de fitness. Avec garderie pour bébé Julien. Le soleil étant de la partie, elle profite également à fond des chaises longues du balcon. Samedi, Maxime rentre en milieu de matinée. Il embrasse tout son petit monde, puis s'installe sur le balcon avec un verre, un bloc et du papier et donne l'ordre qu'on ne le déroge pas. Faustine s'étonne. À peine arrivée, il les laisse déjà tomber. Elle apprécie modérément, rongée de curiosité. La séance d'écriture dure bien longtemps. Que fit-il? Il écrit un nouveau livre. Il est presque 13 heures. Largement temps d'aller déjeuner. Lorsqu'il émerge, enfin, il remet à Faustine une longue enveloppe en lui demandant simplement d'attendre qu'il revienne du restaurant pour l'ouvrir. Alors, elle s'isole sur le balcon et lit. 4 pages très détaillées, dans lesquelles Maxime, au prétexte d'honorer leur promesse de toujours tout se dire, lui parle d'une aventure qu'il vient de vivre avec une fausse rousse d'une 20aine d'années. Ils se sont croisés au wharf quelques jours plus tôt. Pendant une pause, ils ont échangé leurs numéros, des fois qu'elle voudrait engager un orchestre, et ça s'est arrêté là. Le lendemain déjà, elle l'appelle pour qu'il vienne la chercher à une soirée où elle s'ennuie à mourir. Il lui est relativement facile de la ramener à Gainesville. L'histoire n'aurait pas mérité d'être mentionnée si elle ne lui avait pas rappelé leur rencontre 8 ans auparavant. À ce détail près qu'il n'a pas éprouvé ce coup de foudre d'autrefois. La magie d'une découverte, l'exploration d'un jeune corps lisse et ferme, la révélation qu'il est possible à 43 ans de faire l'amour toute une nuit n'ont pas déclenché le tilt. Maxime conclut sa missive en espérant que malgré la naissance de Julien, ils sauront conserver à leur couple ce feu qui les anime et retrouver la fougue de leur début. Faustine accuse le coup. Tout d'abord, elle est bêtement flattée de tant de confiance et apprécie le compliment. C'est rassurant quand on se sent ramolli et adipeuse de savoir sa place indétrônable dans le cœur de l'élu. Puis elle réfléchit. Se savoir trompé dans son lit et sa maison quand on vient tout juste d'enfanter a quelque chose de nauséabond finalement. C'est vrai qu'il ne le voulait pas, cet enfant, mais pourquoi choisir le moment où son épouse est le plus vulnérable? Faut-il répondre à son vœu de faire l'amour toute une nuit, il va falloir que les ecchymoses de l'accouchement s'estompent un peu pour que l'envie revienne. Peu à peu, la confession de Maxime accomplit un insidieux travail de sein. Et si? Et si son époux Volage avait eu le fameux coup de foudre, que serait-il advenu d'elle? Et maintenant, est-elle passée dans le camp des Méragos, si violemment critiquée par Hervé Bazin dans Le Matrimoine, ce monument de misogynie, alors même qu'elle essaye de tout faire pour que Maxime n'ait aucune raison d'être jaloux de son fils? Est-ce que cela veut dire qu'elle est définitivement coincée entre les couches et les biberons, sans moyen, sans possibilité de reprendre sa destinée en main, de s'évader quand elle le souhaitera? Alors que lui, pendant tout ce temps, continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. On dirait bien que oui. On dirait bien qu'elle est piégée. On dirait bien qu'elle l'a cherchée et trouvée. Bonne année 1985.